racailleux. Comme France Maroc au Stade de France. Même si mange caillou, je crache des stylets. Si tu m'offenses, j'arrive en force défoncé. Les portes du rap enfoncé. Vu qu'on nous a refusé l'accès parce qu'on s'est battu. C'est M6, c'est 95, c'est des dans le front, dans le bidon Greg Frit. Les rappeurs font la queue face car on compte déjà baiser leur fille. Moi je m'en vais baiser leur fille. On parle les couilles ton fils, tu m'étais sur 50, je te mets la défaite, tu prends la fuite. Arrêtez de jouer les durs, Zama ça pique grave. C'est grave, vous êtes cramé comme un somme de buver à une cravette. Authentique puis les arrachages de queues, l'époque des 5 queues. C'est pour les gros les queues qui pèsent les cops, qu'on les chroniques. Fini l'époque, 98, maintenant les mecs ça suit sorti. Mais dans la rue, sont victimes de Rix. En autoproc, prends des risques, mais nique sa mère. Si je m'en sors, je ferai croquer les frères pour qu'ils arrêtent de foutre la merde. C'est le rap du poteau, du bédo, du rapido. Faut ton rap de mytho, tu ferais mieux te lécher des clidos. C'est pour les petits, les anciens, en chien, comme ils se vit enceinte, non, on pèse les enceintes. Écoute, c'est le rap du poteau, du bédo, du rapido. Faut ton rap de mytho, tu ferais mieux te lécher des clidos. C'est pour les petits, les anciens, en chien, comme ils se vit enceinte, non, on pèse les enceintes. Près du ciel que de leurs abîmes. En Israël, y'a Raël qui chlèche les babines. Je suis l'homme qui casse la combine, fait chauffer la turbine, que je crame la bobine. D'ordinaire, si intime, avec le combiné de la cabine. Mon charabia bizarre aiguise les canines. La télé s'anime, Alim, mente vos gamins et gamines. Vous exigez que le JT vous baratine. Le proc sera indulgent au procès de machine. Gratte-ciel, tour de Babel, le nerf est comprimé à la racine. Le sous-marin a coulé au fond de la bassine. Le jour où Yasser Arafat assassine Arabine. Quatre missiles à tête chercheuse sur le fauteuil de Cheikh Yassine. Une fleur de lys en lice, le canon de ma carabine. Perche sur une mine, les ruines d'un stock de nitroglycérine. Écoute, c'est le rap du poteau, du bédo, du rapido. Faut ton rap de mytho, tu ferais mieux te lécher des clidos. C'est pour les petits, les anciens, en chien, comme ils se vit enceinte, nous on pèse les enceintes. Écoute, c'est le rap du poteau, du bédo, du rapido. Faut ton rap de mytho, tu ferais mieux te lécher des clidos. C'est pour les petits, les anciens, en chien, comme ils se vit enceinte, nous on pèse les enceintes. Toujours là pour tendre la main, l'air, ouais, c'est un vrai. J'suis contre la coque, pour moi c'est comme la cam refrain. Omar m'a demandé pourquoi j'étais violent, ça faisait gamin. Mais voilà que j'suis un bonhomme, jamais j'suis à le sac à main. J'ai pas le choix, sinon personne ne m'aurait calculé. J'suis accro aux armes, alors allez tous vous faire enculer. J'ai mon délire tranquille maintenant que la scène s'est affirmée. J'vais raconter des vraies choses et penser à passer permis. La conspiration inspire mon frère IDSA de Serge Abletran. Comme Kerry, on donne ça, j'ai rien à prouver. Je suis sincère que ça le pèse ou non. Parle mal, mange ma chère frère, bien assaisonné. Les petits faut les raisonner. Pour un feat, jamais sucer la bite. Comme à l'ancienne, demande à Hex, on kick le beat. En bref, c'est que du rap, faut pas que ça nous monte à la tête. Y'a que des bafrins qu'on des couilles sur internet. Écoute, c'est le rap du poteau, du bédo, du rapido. Faut ton rap de mytho, tu ferais mieux te lécher des clidos. C'est pour les petits, les anciens, en chien, comme ils se vit enceinte, non, on pèse les enceintes. Écoute, c'est le rap du poteau, du bédo, du rapido. Faut ton rap de mytho, tu ferais mieux te lécher des clidos. C'est pour les petits, les anciens, en chien, comme ils se vit enceinte, non, on pèse les enceintes.